Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dites-moi, de quoi est constitué votre Moyen-Âge ? Il y a sans doute quelques châteaux forts, de majestueuses cathédrales et d'humbles chaumières. Il est possible aussi d'y rencontrer un moine enquêteur dans le Long de la Rose, peut-être Ivan Noé et Thierry Lafronde. Tournois, trouvères et troubadours. Il y a aussi un incroyable bestiaire fait de griffons, de licornes et de dragons. Et puis la peste, la famine, la boue. Tiens, un dimanche à Bovine et Notre-Dame de Paris. Nous avons tous une image mentale du Moyen-Âge, fabriquée peu à peu à partir de films, de séries, de visites et de lectures, bien sûr. Mais de nouveaux récits se construisent pour parler du Moyen-Âge, avec une nouvelle génération de chercheurs et de passeurs. Et ils ont bien raison, le Moyen-Âge est actuel, toujours parmi nous. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous mettons à l'honneur le Moyen-Âge. A-t-il besoin de nous ? Sans doute pas. Mais en tout cas, c'est Moyen-Âge superstar. Et ce matin, nous intéressons aux connexions, oui, ces connexions entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Et elles sont nombreuses. Avec cette question, comment réinventer le récit historique pour souligner la présence médiévale ? Avec ici, ce matin, sur France Culture, Pauline Guéna, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes professeure agrégée d'histoire-géographie, vous êtes doctorante en histoire médiévale à la Sorbonne. C'est quoi votre sujet de thèse ? Alors j'ai travaillé, j'ai rendu vendredi 13, donc vendredi bravo, dernier. Bravo, bravo. C'est gentil. Sur Venise et l'Empire Ottoman, entre 1453, la chute de Constantinople, et puis 1517. D'accord, donc on est à la fin du Moyen-Âge. Et surtout, vous êtes cofondatrice et membre de l'équipe de diffusion de la recherche Actuel Moyen-Âge et votre actualité, je l'ai là, Actuel Moyen-Âge, c'est le deuxième tome, avec ce sous-titre que j'adore, L'aventure continue. Oui, le Moyen-Âge est une aventure, c'est aux éditions Arquet. Fanny Cohen-Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste web et radio, créatrice du podcast Passion médiéviste. Passion médiéviste, le mot passion est très bien choisi. Oui, j'ai la passion pour les médiévistes. Voilà, une fois par mois, vous donnez la parole à un jeune chercheur en histoire médiévale. Également ce matin dans le studio du cours de l'histoire, Hugo Bimard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, auteur notamment d'une web-série Confession d'histoire. Après la passion, c'est la confession. Tout à fait. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs Quien qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, c'est passion médiéviste, confession d'histoire, actuel Moyen-Âge. Attention, hein, on le sait, nous n'inventons rien, nous sommes des successeurs. Écoutez ce que disait l'historienne médiéviste Régine Pernoux, c'était en 1966. Et vous m'avez parlé d'une danse mérovingienne, carolingienne, je ne sais trop. Mais ce goût des jeunes à l'heure actuelle pour la chanson, pour le rythme, c'est absolument médiéval. Moi, je m'y retrouve en plein Moyen-Âge. C'est comme ça que c'est élaboré. On dansait comme ça au Moyen-Âge, en tapant dans les mains, en s'agitant beaucoup. En tapant des mains, des danses de groupe, et dans lesquelles, généralement, c'était les danseurs eux-mêmes qui faisaient la musique. Et la poésie des troubadours ne s'est pas élaborée autrement que la chanson telle que nous la voyons de nos jours. Moi, je suis persuadée que dans le goût des jeunes pour la chanson, on va voir s'épanouir une poésie nouvelle. Alors, le style yéyé est un style moyenâgeux. Vous allez étonner beaucoup de monde. Et vos collègues professeurs sont d'accord avec vous ? Oh, ne parlons pas de l'université. J'aime autant ne pas l'introduire là-dedans. Et d'ailleurs, rappelez-vous que l'université qui continue consciencieusement à instruire la jeunesse dans l'idée que la France a commencé avec Louis XIV, que n'existe que le théâtre classique, que la littérature classique, l'université a toujours été quelques 50 ans en retard sur les événements. C'était Régine Pernoux en 1966. Oh, mais non, ça a changé tout ça depuis. C'est sûr, Pauline Guéna. On a entendu là Régine Pernoux qui comparait les yéyés et les troubadours. C'est intéressant parce que déjà en 1966, il y avait un écho qui était fait entre le Moyen-Âge et puis aujourd'hui, presque aujourd'hui. Un mot de vocabulaire m'a intrigué dans ce qui a été dit, c'est le mot, l'adjectif. Moyenâgeux. On l'entend encore souvent, moyenâgeux. On l'entend encore souvent et en fait, le terme moyenâgeux qu'on utilise parfois comme un synonyme de médiéval, il a vraiment des accents péjoratifs. Tout à l'heure, vous parliez de la boue, de la peste pour le Moyen-Âge. Ça, c'est le Moyen-Âge moyenâgeux, donc pensez comme quelque chose de négatif. Nous, on pense que, bien sûr, tout ça, c'est médiéval. Donc, c'est ce qui se passe au Moyen-Âge. Voilà, on fait attention au vocabulaire. Moyen-âgeux, sale, médiéval, c'est très bien. Quand on parle de Moyen-Âge, Pauline Guéna, on parle de quoi, en fait ? Alors, on parle d'une période qui a été créée par les humanistes, donc a posteriori au XVIe siècle, et qui en fait est un énorme fourre-tout puisqu'elle dure 1000 ans. Ça va de la chute de l'Empire romain, hein, le 5e siècle, l'Empire romain s'effondre. 476. Très bien, les très forts. Je me permets d'Occident. Hugo Bimard d'Occident, précise. D'Occident, bien sûr, Hugo Bimard. Et on va jusqu'au début des explorations océaniques, donc un 15e siècle un peu long où ça s'arrête. Donc ça, c'est 1000 ans. 1000 ans, pensons-y, hein, on est des sapiens sapiens, c'est 40 générations. Donc en fait, c'est énormément d'histoires différentes. Énormément d'histoires différentes et énormément d'histoires passionnantes. Vous l'avez évoqué, Pauline Guéna, il y a un sombre Moyen-Âge. Vous venez de terminer votre thèse. Vous connaissez bien le monde médiéval à l'université. Ce sombre Moyen-Âge n'existe plus à l'université. Ça y est, on est passé à autre chose depuis un bon moment. Oui, ça fait depuis Jacques Le Goff qu'on parle de la Renaissance dès le XIIe siècle, qu'on est au courant que les villes existent et se redéveloppent à partir du XIIIe siècle, qu'on a des échanges culturels, énormément en fait de pratiques qui ne sont pas du tout associées à un Moyen-Âge pauvre, sale, etc. Hugo Bimard, cette image du Moyen-Âge sale qui fait peur un peu les visiteurs, vous la rencontrez souvent dans les gens qui discutent avec vous et sur ce que vous pouvez produire dans Confessions d'Histoire. Avec les gens que je rencontre, pas forcément, parce que beaucoup d'entre eux sont des reconstituteurs historiques et ils sont déjà dans une optique de modifier cette vision des choses. Mais par contre, le grand public, dans les discours quotidiens, y compris dans les médias, c'est vrai que souvent le terme revient pour caractériser des pratiques, des attitudes qui seraient pas de nos jours, enfin pas en correspondance avec... avec nos mœurs actuelles, c'est un petit peu synonyme de barbarie, en fait. Ça rejoue politiquement, hein. Si on y pense, Hugo, on entend souvent parler de pratiques moyenâgeuses pour des pratiques qui sont contre nos idéaux politiques. Tout à fait, et en particulier quand il s'agit de caractériser l'islam radical, salafiste, wahhabiste, etc., ça revient beaucoup, mais pas que. On peut repenser, par exemple, à la phrase du personnage de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, qui dit « je vais vous travailler à la flamme bien moyenâgeuse ». Qui, entre parenthèses, d'ailleurs, en anglais, il dit « I'm gonna get medieval on your ass ». Charmant, merci. Mais ceux qui écoutent la VO pourront apprécier le fait qu'il emploie le mot « médiéval » et pas « moyenâgeux ». C'est vrai que ce mot « moyenâgeux », on le retrouve régulièrement. Fanny Cohen-Moreau, vous êtes journaliste web, vous le repérez aussi, ce mot « moyenâgeux ». C'est même un petit jeu, en fait. Dès qu'on voit que quelqu'un dit « moyenâgeux », hop, les médiévistes arrivent à dire « non, on ne dit plus « moyenâgeux », il faut arrêter ». C'est une façon d'attirer les médiévistes en disant « moyenâgeux ». Oui, c'est vraiment quelque chose que l'on voit nettement sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux. Dès qu'il est question de Moyen-Âge, le mot Moyen-Âge tombe très vite, souvent chez des gens qui n'ont pas de culture précise sur l'évolution de la perception du Moyen-Âge. Mais il faut dire que nous sommes tous victimes ou issues d'images populaires qui parfois, c'est vrai, sont très belles, mais sont un peu figées. Thierry Lafronde, que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Nous venons en amis. Notre attitude ne le prouve guère. Baissez vos armes! C'est mieux, Thierry? Êtes-vous avec les Anglais? Nous ne sommes pas nombreux, mais notre compagnie compte 2000 hommes. Qui répondent au nom les plus doux? Castroy, Torgueul, Rostet, sans merci, mais pas un, ne répond au nom de James, ou de William, ou de John. Quant à celui-là, il répond rien du tout. Il est muet. Thierry Lafronde, série à succès. C'est vrai que ces images que nous pouvons avoir ou que le public peut avoir, moi le premier, du Moyen-Âge, vient de toutes ces séries-là. Thierry Lafronde, je ne sais pas si le Moyen-Âge boue que ça, Pauline Guéna. Non, et puis c'est aussi quelque chose qui date un peu, peut-être que maintenant dans les images modernes du Moyen-Âge, on a plus Game of Thrones qui va venir en tête assez rapidement et qui va plus marquer la génération des années 90-2000. Et Kaamelott aussi en France. Kaamelott a été important aussi pour donner une image du Moyen-Âge, mais dans ces deux cas-là, nous sommes sur un Moyen-Âge effectivement qui, pour Game of Thrones, est un peu sombre, pour Kaamelott, est un peu souriant. Ce n'est pas le Moyen-Âge le plus triste de la Terre non plus, hein ? Non, mais par Hugo contre, Bimard. Si par exemple on repense à la façon dont sont montrés en particulier les gens du peuple dans Le Nom de la Rose, Superbe film par ailleurs, hein, tiré d'un encore plus superbe bouquin. Mais c'est vraiment une vision. Alors, je pense que c'est lié au fait qu'on a affaire à un polar. Donc forcément, quand on est dans le polar, fut-il médiéval, on n'est pas dans les belles images et dans les fleurs et la rose. Mais juste le nom de la rose, en tout cas, c'est vraiment une vision des villageois en particulier, qui sont sales, avec les dents pourries. Oui, alors pour ça, culte, vous n'oubliez pas les morales et tout ça. Ouais. Oui, ça c'est quelque chose qui est important, casser les idées reçues. Alors parmi toutes ces idées reçues, vous venez d'en évoquer une, Hugo Bimard, c'est le côté sale. Les gens du Moyen-Âge sont des gens sales, ce qui est fou. Complètement. Alors je pense qu'il y a juste une conception de l'hygiène qui est différente de la nôtre. Il est certain que vous et moi, on arriverait aujourd'hui au Moyen-Âge, mais comme on arriverait au XVIIIe siècle, l'odeur nous gênerait fortement. Mmh. Ce qui n'empêche pas que les gens prennent des bains, il y a des bains publics. Les gens ont des bien meilleures dents que nous, hein, parce que les aliments ne sont pas aussi sucrés, ça on l'oublie souvent. Et donc il y a d'autres formes d'hygiène corporelle qui existent. Une attention par exemple à l'épilation, hein, on en parle un peu dans le livre. Des choses Moyen-Âge. Oui, je me permets. Mais donc des choses qu'on n'imagine pas fortement en premier plan pour le Moyen-Âge et qui concernent des catégories assez larges finalement de la population. Pauline Guéna, à quel moment s'est imposée cette image, par exemple, de Moyen-Âge sale? L'image du Moyen-Âge telle qu'elle nous est livrée vient du 19e siècle ou c'est avant? Alors, sans monopoliser la parole, hein, mais c'est même avant ça, parce que le moment où les humanistes au XVIe siècle se créent en tant que mouvement, donc d'abord c'est une construction qui est intellectuelle et qui après va devenir plus large, pour se créer en tant que mouvement, ils ont besoin de dire que tout le savoir précédent, notamment tenu par des clercs à l'université, est un savoir qui est beaucoup plus abscon, beaucoup plus loin de la réalité, beaucoup plus loin des textes antiques, et donc de s'en distancier. Et donc en créant cette distance, en fait, ils créent le mythe d'un Moyen-Âge beaucoup moins savant, beaucoup moins lumineux. Fanny Cohen-Moreau, vous aussi, hein, vous travaillez sur cette déconstruction de l'image négative du Moyen-Âge et ce sont toujours les mêmes poncifs qui reviennent en parlant du Moyen-Âge. Ça, j'avais fait un épisode spécial sur justement les idées reçues sur le Moyen-Âge et quand j'avais demandé un peu aux auditeurs sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment la saleté qui revenait en premier. C'est vraiment la première chose qui revenait, ah oui, bah, le Moyen-Âge, les gens sont sales. Alors que non, effectivement, comme le dit Pauline, mais je pense qu'effectivement, dans le Nom Rose, on voit vraiment qu'ils sont dans une sorte de... Comme si, en fait, c'était encore pas évolué. Comme si vraiment les personnes du peuple n'étaient pas dans l'évolution. Alors qu'on voit, on pense plutôt que sous Louis XIV, eh ben, on se mettait du parfum pour dissimuler la mauvaise odeur. Donc c'est pas forcément le Moyen-Âge qui n'a que cette image. Mais d'autant plus qu'il y a une problématique, c'est le rapport à l'eau. Et au fait qu'on a petit à petit eu l'idée que c'était l'eau qui véhiculait des maladies, mais tardivement, bien après le Moyen-Âge. Alors que dans le Moyen-Âge, on est encore dans presque la tradition thermale romaine qui fait en effet qu'on se baigne sans problème. Ouais, ça, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, Hugo, parce que ça, c'est un autre mythe qu'on a parfois en tête. C'est l'idée que le progrès est linéaire et donc on serait passé progressivement d'un monde médiéval sale, mais aussi moins technologique, moins avancé, moins, pour le dire autrement, peut-être démocratique aussi, et que progressivement, on serait arrivé à nos sociétés démocratiques qui seraient du coup le sommet de plein de choses. Et en fait, en regardant l'histoire, on voit que ça a varié, que par plein de domaines, la Renaissance est peut-être moins avancée aussi que le Moyen-Âge. Je pense notamment à la situation des femmes ou à plein d'exemples qu'on peut développer. Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que ça montre qu'aucun progrès n'est vraiment linéaire, en fait. D'autant, Pauline Guéna, que le Moyen-Âge souffre de l'image négative de son commencement. C'est la chute de l'Empire romain, c'est la chute d'une grande civilisation. Et c'est sans doute cela qui revient sans cesse quand on parle du Moyen-Âge, relié à l'idée de civilisation, c'est que tout s'est effondré à ce moment-là. Alors que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Parce que notamment quand on lit, alors il y a peut-être d'autres exemples, mais moi c'est plutôt Bruno Dumézil qui me vient en tête, c'est quand on lit des choses sur le haut Moyen-Âge, enfin l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive et le haut Moyen-Âge, donc, la jonction entre les deux, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on en associe au Moyen-Âge, je vais prendre un exemple, les sévices corporels, la justice qui serait rendue avec les nez coupés, les amputations, etc., qu'on associe vraiment à la barbarie du Moyen-Âge, en fait, ce sont des choses qui viennent de l'Empire romain tardif, l'Empire romain d'Occident tardif, pour des raisons a priori fiscales. Et... il fallait faire respecter le prélèvement de l'impôt, l'organisation de la société avec des seigneurs, et des serfs, en tout cas des gens qui soient soumis à un seigneur, ça aussi, ça vient de l'Empire romain tardif, avant sa chute, avant 476. Donc il y a beaucoup de choses que l'on associe au Moyen-Âge injustement, parce qu'en fait ça vient de la fin de l'Empire romain. Et les sorcières, c'est d'Occident. La même chose, c'est-à-dire que pour la fin du Moyen-Âge, on a aussi des sorcières qui en fait sont plus un phénomène du XVIIe siècle, il y a plus de sorcières sous Louis XIV, de sorcières brûlées sous Louis XIV, qu'au Moyen-Âge. Et dans le Gobimard, oui. Excusez-moi, pour continuer là-dessus, le grand essor de l'Inquisition, c'est plutôt à la fin du Moyen-Âge, et suite à la Reconquista. Parce que les sorcières, quand on en débusque dans les campagnes au XIIIe siècle, la première chose que font les clercs, c'est de dire « mais pas du tout, calmez-vous, la sorcellerie n'existe pas ». Il faut qu'il y ait une tension religieuse en Europe, une tension religieuse qui est liée à d'autres choses, un schisme, etc., pour qu'on se mette à les brûler. Donc c'est vrai qu'au niveau du Moyen-Âge, en fait, on rentre dedans de force des choses sur les côtés qui finalement débordent, parce que l'histoire continue, en fait. Oui, puis le découpage par période est toujours quelque chose de compliqué, si on donne des dates un peu abstraites. Mais malgré tout, il faut découper pour simplifier et pour clarifier la lecture que l'on peut avoir de la chronologie. Et à partir de là, à partir de tout ce que l'on sait et des travaux des universitaires, il faut créer un récit. C'est ce que vous faites, hein, Fanny Cohen-Moreau. Vous êtes donc journaliste et vous avez un podcast Passion médiéviste où vous donnez une fois par mois la parole à un jeune chercheur en histoire médiévale. En mai 2017, le deuxième épisode de Passion médiéviste sortait et Omblin nous présentait son mémoire sur les dragons dans les bestiaires médiévaux du 12e au 15e siècle. Entre-temps, Omblin a fini son mémoire, donc je l'ai réinvitée car vous allez voir, elle a encore plein de choses à vous raconter sur ces magnifiques créatures. Fanny Cohen-Moreau, pourquoi vous intéresser au Moyen-Âge? Pourquoi ce podcast Passion médiéviste? Parce que tout simplement, au début, je me suis rendu compte qu'on a encore des personnes qui étudient le Moyen-Âge aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir et donc je me suis dit, ben, il faut aller écouter ces personnes-là parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout en fait sur l'histoire, que non en fait c'est bon, les livres d'histoire sont écrits, on sait tout, alors que non, il y a encore des sujets, les dragons, il y a plein de sujets sur lesquels les chercheurs passent des heures et des heures dans les archives, donc il faut les écouter. Et je me suis dit que le podcast était peut-être la meilleure façon parce que ce ne sont des personnes qui en général n'ont jamais fait d'interview, sont assez ne savent pas forcément bien parler, donc le rapport à l'image aurait été compliqué, mais l'écrit n'aurait pas retranscrit exactement leurs paroles. Donc je me suis dit que l'oral et le podcast était la meilleure façon de les écouter. Avec la volonté de diffuser la recherche universitaire, en l'occurrence par podcast. C'est ça. En fait, j'ai un format qui est plutôt court, environ une demi-heure, parce que je me suis dit que voilà, c'était une façon concise de les écouter. Sachant que quand j'ai fait une interview, quand un invité me dit « alors voilà, le haut Moyen-Âge », je dis « alors, c'est quoi le haut Moyen-Âge ? » On le redit pour tout le monde, donc c'est le début du Moyen-Âge, différencié donc avec le bas Moyen-Âge, on en parlait tout à l'heure. Mais j'essaie vraiment de revenir un petit peu à la base. Je dis voilà, on parle autant à votre cousin de 15 ans qu'à votre grand-mère de 87 ans. Il va falloir leur parler à tous les deux pour qu'ils comprennent ce que vous racontez. Et souvent, en fait, ce qui est assez émouvant, c'est que c'est des personnes, à part leur directeur de mémoire, ils n'ont jamais parlé de leur recherche à personne. Et, ou alors à leurs amis, mais voilà, ils se disent « oh, mais ça m'intéresse pas trop ce que tu fais ». Alors qu'avec moi, j'essaie de leur voilà je leur fais un peu accoucher de ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que j'ai donc toute une partie où ils me parlent de leurs recherches, leurs travaux, mais même personnellement, qu'est-ce que ça fait d'étudier le Moyen-Âge aujourd'hui? Qu'est-ce que ça leur fait comme émotion que d'aller dans les archives, de toucher des papiers qui ont 800 ans, que parfois personne n'avait jamais ouvert avant eux, et c'est assez émouvant de les écouter à chaque fois. Pauline Guéna, vous êtes parmi nous, effectivement, vous connaissez les archives. En regardant un petit peu votre parcours, j'étais stupéfait par toutes ces langues que vous maîtrisez, que ce soit du grec, du turc. Non, mais c'est vrai, parce que pour étudier les archives ottomanes, il y a quelque chose aussi de magique, on le sait bien dans la recherche, hein, c'est le goût de l'archive d'Arlette Farge, mais ce goût de l'archive médiévale a sans doute quelque chose d'intense, parce que l'archive médiévale fait rêver. Alors ça, c'est vrai. Alors les archives ottomanes, moi, ça a été édité surtout, mais tout ce qui est archives vénitiennes et les petites colonies vénitiennes, j'ai toujours été très émue de les ouvrir. Par exemple, cet été, j'étais au Monténégro, j'allais voir les archives de Kotor, donc c'est sur une baie, et ce sont des archives qui ne sont que très très peu lues par des Occidentaux. Elles sont en latin, donc là-bas, les gens sont un peu surpris que vous parliez latin. Et le Monténégro est un pays nouveau, donc la réorganisation a été faite, et je savais en les ouvrant que très peu de gens les avaient lues. Donc oui, il y a vraiment une émotion, en fait, quand vous les touchez, ces archives-là. D'ailleurs, Fanny Cohen-Moreau, vous avez intitulé votre podcast « Passion médiévale ». Il y a ce mot « passion ». Et on retrouve ça aussi chez vous, Hugo Bimard. Pourquoi le Moyen-Âge pour vous ? Alors, je ne fais pas que le Moyen-Âge. J'ai fait peu d'épisodes, mais sur les 5 épisodes de sortie du format classique de Confession d'Histoire, il y en a aussi 2 qui sont consacrés à Rome. À l'Antiquité, effectivement. Voilà, l'Antiquité, et donc autour de l'histoire de la guerre des Gaules, et la suite avec César, Cléopâtre, Marc-Antoine, etc. Et sinon, en dehors de ça, j'ai traité uniquement les trois premières croisades, à travers des personnages hauts en couleur, donc première croisade, la deuxième avec Aliénor d'Aquitaine, la superbe, et la troisième croisade avec Richard Cœur de Lion, Saladin, etc. Mais c'est une toute petite partie du Moyen-Âge. Oui, j'ai pas fait Clovis, j'ai pas fait Charlemagne, j'ai pas fait la guerre de Cent Ans. Ce que je voulais savoir, c'est quel est votre intérêt, vous, pour le Moyen-Âge, quand vous allez travailler sur un sujet particulier? Alors, ça fait partie des deux périodes. En effet, Antiquité et Moyen-Âge, ce sont les deux périodes qui m'intéressent personnellement. Voilà, c'est juste un goût peut-être pour ce qui est particulièrement ancien. Je suis moins intéressé par l'histoire moderne. J'aime bien quand il y a un décalage avec notre quotidien, et voilà, je dis souvent sous forme de boutade, plus ça ressemble à Conan le Barbare, plus j'aime. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant toujours avec ce temps long, parce que pour contextualiser, il faut prendre un tout petit peu de temps pour le Moyen-Âge. Hein, Pauline Guéna, vous vous en rendez compte, j'imagine, sans cesse. C'est vrai que quand on cite Louis XIV ou Napoléon, tout de suite des images viennent. Quand on cite Empire Ottoman, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus complexe. Alors, du coup, dans le blog Actuel Moyen-Âge, hein, sur lequel est adossé le livre, quand on publie un article par semaine, ça peut aller du 6e siècle jusqu'au 16e siècle, on se permet ce genre de dépassement. Et le travail, c'est toujours de donner une source, une anecdote, quelque chose qui intéresse en fait, quelque chose vraiment qui attrape l'attention, et en même temps de bien le contextualiser, pour montrer ce qui est original et ce qui ne l'est pas dedans. Bien contextualiser, autrement dit, vulgariser. Vulgariser est un mot complexe à manier, et pourtant quand vulgariser a le sens de rendre assez accessible, il est complètement légitime. Écoutons ce qu'en disait Jacques Le Goff, c'était en 1996, au moment où il publiait son Saint-Louis. Jacques Le Goff, vous avez, si je puis dire, contribué à ce mouvement, parce que c'est d'ailleurs très sympathique de voir qu'un historien de votre qualité prête sa main, je vais dire un mot qui ne va pas vous plaire, à une forme de vulgarisation cinématographique. Vous avez été le conseiller d'Anneau dans Le Nom de la Rose. Vous avez, je crois, aussi conseillé Tavernier pour son film Béatrice. Malheureusement, non. Non. Mais vous savez, le mot de vulgarisation que vous venez d'employer, moi c'est un mot qui me plaît, qui ne me choque pas. Nous devons tous faire de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est pas du tout vulgaire. Enseigner, c'est vulgariser. Écrire pour le grand public, c'est vulgariser. Et aujourd'hui, on ne peut plus, je crois, thésauriser le savoir. Jacques Le Goff, clin d'œil au lundi de l'histoire sur France Culture. Pauline Guéna, il y a cette démarche aussi nécessaire de faire passer les savoirs universitaires auprès du grand public. Et pour le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que, comme on le disait, il y a un vrai travail de contextualisation effectué à chaque fois. Et puis il y a aussi un intérêt à aller chercher. Et en fait, on se rend compte, alors vous avez utilisé en début d'émission le mot de passeur, moi il me plaît bien le mot de passeur ou de diffusion d'histoire, vulgarisation aussi, hein, quand Jacques Le Goff le dit en 96, ça remonte, on est avant vraiment la diffusion d'internet, donc c'est pas du tout les mêmes moyens et c'est pas les mêmes publics, mais c'est des mots qui me semblent pas grossiers, à l'université on est payé par des contribuables, et donc l'idée c'est d'enseigner et de diffuser au maximum ce qu'on sait. Et ça implique de chercher d'autres formats, de chercher d'autres façons de faire. Fanny a bien développé comment elle fonctionne dans ses podcasts, et elle a dit à un moment, certains masterants n'ont jamais parlé de leur sujet à quelqu'un d'autre que leur directeur. Voilà, ça c'est un problème, ça c'est quelque chose, ça ne doit plus arriver. Et vous, Hugo Bimard, dans votre recherche de diffusion, vous avez choisi la vidéo. Oui, enfin moi c'est mon métier. Voilà, c'est votre métier. Je suis pas historien. Vous n'êtes pas historien, effectivement. J'ai même pas fait d'études d'histoire. Mais voilà, il y a cet intérêt en vous disant c'est la vidéo, parce que vous êtes réalisateur, vous êtes auteur, parce que vous faites vos vidéos, mais vous êtes dit la vidéo va être un bon média pour diffuser de l'histoire. Faut dire, hein, vous ne faites pas beaucoup de films par an. C'est important parce que ça veut dire qu'ils sont très travaillés. Oui, parce que c'est des comédiens qui jouent les personnages, donc il y a un casting, c'est un peu comme un court-métrage. C'est difficile de faire plus d'un court-métrage par an quand on est réalisateur. Donc c'est pas du tout le même format qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Moi en fait la démarche est la suivante, c'est que je voulais faire un format audiovisuel qui d'une part ne soit pas pris d'assaut par des décideurs qui vont choisir un format particulier, un ton particulier. Je voulais quelque chose d'assez... Oui, Non, allez-y, donc, allez-y. Oui, non, j'entendais quelque chose. Ah, c'est pour ça, non. Donc oui, je voulais quelque chose que je puisse maîtriser entièrement. Et l'idée, c'était de faire de l'humour, avant tout. Faire de l'humour, alors avec quoi? Moi, j'ai fait des études de philo. Au début, je m'étais dit, pourquoi pas faire parler des philosophes, des présocratiques, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, en me replongeant dans l'histoire, il y a une dizaine d'années de ça, à quel point c'était une source d'humour infinie. Entre les personnages, les situations, il y a des trucs invraisemblables. Et en plus, ça me permettait de faire quelque chose qui, au-delà du rire, au-delà de l'humour, permettait aux spectateurs d'en garder un savoir, d'en garder quelque chose. Hugo Mimard, vous avez raison d'insister sur l'importance de l'humour. Et c'est ce qu'on va retrouver un peu partout, notamment dans Actuel Moyen-Âge. L'aventure continue chez Arquet. C'est vrai que dans cet Actuel Moyen-Âge, il y a beaucoup d'humour, ne serait-ce que par la forme. Et parler d'humour et de Moyen-Âge nous envoie tout de suite chez Umberto Eco. Au nom de la rose. J'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument assez pas... Assez! Le nom de la rose, d'après le roman d'Umberto Eco, Action Connery, magnifique. Pauline Guéna, dans le travail qu'a pu faire Umberto Eco, justement, il y a vraiment un passage. Le livre est beaucoup plus dense que le film, mais dans le livre, c'est impressionnant comment nous pouvons lire des choses et extrêmement intrigantes, simplement véhiculées par une forme narrative géniale, celle de l'enquête du polar. Alors ça a vraiment pas pris une ride dans Le Nom de la Rose. Si vous l'avez pas lu, vous avez une chance incroyable parce que c'est vraiment un des meilleurs livres sur le Moyen-Âge qui existe. Et en effet, dans ce livre, il y a l'idée magnifique, donc sans spoiler la fin, que ce manuscrit d'Aristote perdu expliquant l'importance du rire et de la comédie doit être caché, parce que s'il était diffusé, ça changerait toutes les structures politiques du monde, puisqu'on remettrait en cause les hiérarchies sociales en se moquant. Et c'est magnifique, parce que ici, Umberto Eco amène l'idée que le rire peut transformer la société. Intégralement. Ça, c'est fort, parce que le rire qui peut transformer la société, c'est vrai que souvent on n'associe pas les études universitaires au rire, alors qu'il y a beaucoup de rire et d'humour dans surtout ce que l'on peut trouver. Surtout chez les médiévistes. Fanny Cohen-Moreau, vous les côtoyez souvent pour votre podcast. Oui, beaucoup d'humour. En fait, vraiment, les médiévistes, je trouve même, peut-être sont un peu, ils sont peut-être un tout petit peu pédants, mais ils sont... On est très fiers d'être médiévistes. Pauline, on est très fiers. C'est qu'en fait, je pense que par rapport par exemple aux modernistes, donc époque moderne, c'est plutôt 1500-1800, bah les médiévistes, on est identifiés, en fait, les gens, quand on parle de Moyen-Âge, même si forcément on a des mauvaises images, on sait ce que c'est. On est fiers d'étudier le Moyen-Âge. Peut-être alors l'Antiquité, c'est beaucoup plus vaste, parce que quelqu'un qui dit que voilà, il étudie l'Antiquité, bah, on ne sait pas si c'est les Romains, les Grecs, la Mésopotamie, donc c'est beaucoup plus vaste. Alors que les médiévistes, on est assez fiers de ce qu'on fait, et on a vraiment, pour en côtoyer maintenant, avec, je fais passionnément moderniste aussi, pour côtoyer les modernistes aussi, je vois que les médiévistes ont un peu plus d'humour en général sur ce qu'ils font. Alors ils ont un peu plus d'humour sur ce qu'ils font, parce qu'ils travaillent sur des sources incroyables, on l'a dit, et c'est vrai que lire ces textes anciens, la paléographie, ce n'est pas rien, surtout qu'ils sont en latin, et c'est compliqué. Donc, ou en ça vieux fascine. Français, ou en vieux français. En ancien picard. Ou en occitan. Ou en occitan, ce qui fait rêver. Mais écoutez, dans ce voyage qui nous conduit vers le Moyen-Âge superstar, on pourrait utiliser comme instrument qui fait aussi rêver un astrolabe, vous savez, cet instrument-là qui permet de mesurer la latitude. Mais non, nous allons partir avec Astrobal, Astrobal qui chante « À ma rencontre ». Bonjour Bertrand. je me dirai bonjour, mon grand. Qu'avons-nous vécu depuis ces 35 ans? Tu n'as rien vu, moi non plus. Astrobal, ma rencontre dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas, et nous poursuivons notre relecture d'un récit médiéval. Pauline Guéna, donc vous êtes la cofondatrice et membre de l'équipe de diffusion de la recherche actuelle Moyen-Âge avec cet ouvrage chez Arquet. Actuel Moyen-Âge, et vous tissez des liens avec aujourd'hui sans cesse. On peut lire dans l'introduction du livre, le paysage n'a guère changé depuis le premier ouvrage, donc c'était il y a 2 ans. Ces visions déclinistes de l'histoire se multiplient et le Moyen-Âge est plus que jamais convoqué, instrumentalisé, manipulé, qu'il s'agisse de faire de la première croisade le symbole d'un éternel choc des civilisations entre Islam et Occident, ou de comparer les gilets jaunes au jacquerie. En tant que médiéviste, vous êtes sensible, j'imagine, aux échos que peut avoir l'événement contemporain avec ceux du passé. Et vous dites, pour le Moyen-Âge, ça n'arrête pas. Oui, alors en effet, je pense que ces échos, c'est important de les mettre en valeur. D'abord pour ce qu'on disait avant, le fait que ça permet de développer l'intérêt des gens, leur montrer que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est déjà passé de différentes façons. Et ensuite, pour une autre raison, parce que, comme vous le disiez, Xavier, le Moyen-Âge, c'est moins bien connu comme période. Et donc, ça sert beaucoup de réservoir à plein d'idéologies qui sont parfois très douteuses, hein, très fumeuses, dès qu'il s'agit d'imaginer un Occident qui serait parfaitement christianisé, où les prêtres ne se marieraient pas, donc on sait que c'est pas vrai jusqu'au XIe siècle, où il n'y aurait, par exemple, pas de population d'origine africaine qui circulerait, on sait que c'est pas vrai non plus. Et donc, plus on va instruire en insistant sur ces échos, plus en fait on va neutraliser d'avance ce vide, hein, ce ventre mou un peu, qui donne lieu à ces idéologies. Et c'est difficile, hein, justement, de faire passer toutes ces idées-là. Il faut des médias, par exemple un podcast, hein, Fanny Cohen-Moreau. C'est exactement la même démarche que vous faites en allant voir le travail de jeunes doctorants. C'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont à nous apprendre. Aujourd'hui, on ne le rappellera jamais assez, mais on ne fait pas de l'histoire sans être ce que nous sommes aujourd'hui dans une société. On parle toujours du présent en faisant de l'histoire. Vous le ressentez dans ces interviews que vous faites ? Alors oui, parce que forcément, les études qu'ils font, ces médiévistes, ont un écho avec leur vie quotidienne. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est voilà, d'aller explorer des parties du Moyen-Âge. Voilà, certains épisodes sont très centrés sur même parfois une année, parfois vraiment un événement en particulier, parfois sur plusieurs années, plusieurs siècles. Donc à chaque fois, je passe d'une perspective à une autre avec eux pour vraiment explorer et montrer que le Moyen-Âge est beaucoup plus pluriel qu'on a. C'est que, voilà, on le dit tout à l'heure, c'est 1000 ans. En 1000 ans, tout a changé. En 1000 ans, on est passé des rois mérovingiens qui s'entretuaient. On est passé à la fin des Capétiens, où là, c'est beaucoup plus établi, où le roi n'est plus remis en question. Et on voit vraiment avec eux tout évoluer. Avec ce paradoxe que le Moyen-Âge est parmi nous, mais de manière concrète, ne serait-ce que par les visites qu'on peut faire dans les musées, que par les noms évoqués qui sans cesse nous titillent l'esprit, enfin Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, tous ces noms-là nous évoquent le Moyen-Âge, et il est parfois difficile de le relier, de le contextualiser. C'est vrai que c'est un peu le travail, vous, que vous faites, Hugo Bimard, de raconter le Moyen-Âge, mais d'une autre manière. Oui, en fait, ce que je me plais à penser, c'est qu'à travers mes vidéos, ces noms dont vous parliez, vont en fait, et certainement aussi à travers la comédie, vont avoir un peu plus de chair, un peu plus de présence humaine. Ce ne sont plus juste des noms comme ça lancés dans un livre, avec des dates, avec une bataille, etc. J'essaye de leur donner une personnalité qui les rende attachants. Et moi, ce que j'adorerais, c'est que quelqu'un qui a vu, par exemple, l'épisode sur Aliénor, si un jour il se rend à Fontevraud et qu'il est devant le gisant d'Aliénor, que ça lui évoque quelque chose de plus que juste le côté aride d'un récit un peu comme ça, désincarné. Ben justement, Hugo Bimard, on va écouter un extrait de votre confession d'histoire et on va retrouver Aliénor. C'est vraiment une plaie, ce Louis. Même le pape, il est plus rigolo. Non mais sérieux, il est pire qu'un moine, ce mec. Nous, dans le Sud, on aime la fête, la vie, le vin. On n'est pas obsédé par la religion, là, comme tous ces dépressifs du Nord. Attention, je dis pas que la religion, c'est pas important. C'est quand même un duc d'Aquitaine, Guillaume. Guillaume Ier qui a fondé Cluny, la plus grande abbaye du monde. Non, mais la religion, c'est surtout bon pour les vieux qui arrivent au bout du rouleau. D'ailleurs, mon père, Guillaume X, il était en plein pèlerinage pour Compostelle quand il a senti sa dernière heure arriver. Et c'est là qu'en catastrophe, il a organisé mon mariage avec Louis. Alors, sur le papier, épouser l'héritier du royaume des Francs, c'est sur sa pète. Mais son ancêtre, Hugues Capet, quand il a voulu se rattacher à la dynastie de Charlemagne, eh ben, il a épousé la fille d'un de mes ancêtres à moi, Guillaume III. Ah, tout ça pour dire qu'entre Louis et moi, le meilleur parti, c'est pas forcément celui qu'on croit. Confession d'histoire. Alors, La voix de la formidable Armelle Dutch. Armelle Dutch. Qui m'a fait le plaisir et l'amitié d'incarner ce personnage et qui est une comédienne fantastique. Alors, tous les liens de ce que nous citons, que ce soit les vidéos Confession d'histoire, le podcast, le blog, sera sur le site de Le Cours de l'Histoire. Ce sera sur franceculture.fr parce qu'il y a énormément de choses à aller voir et à glaner. Hugo Bimard, dans vos vidéo de confession d'histoire, on entend une lecture qui est une lecture ludique et qu'on aime bien parce que ça s'adresse à tout le monde. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Pauline Guéna, quand vous entendez quelque chose comme ça, cette revisite d'Aliénor d'Aquitaine, vous, en tant que médiéviste et docteur, vous le vivez comment ? Alors, avant même d'être docteur, parce que c'est pas encore joué, hein, il faut attendre 2 mois. En fait, cette vidéo, Hugo, qu'on vient de passer, ça m'amuse beaucoup. Parce que, en tant que professeur dans le secondaire, j'ai vu des collègues la passer à des élèves pour introduire un cours. Donc, on la regardait pas en entier, on regardait 3 minutes et puis on enchaînait sur le cours. Et ça intéresse vraiment des élèves de 12, 14, 15 ans. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait valable, en fait, si ça permet de faire un pont. Mais même à la fac? Il y en a qui sont diffusés à la fac. Christian Georges Schwenzel, qui est donc professeur d'histoire, un grand spécialiste notamment de Cléopâtre, diffuse l'épisode sur Cléopâtre à Reims, je crois. Ah, voilà, très bien. C'est là l'interrogation que j'avais justement sur les retours du public sur vos productions, les uns les autres. Fanny Cohen-Moreau, sur vos podcasts, quel retour vous pouvez avoir quand vous allez interviewer de jeunes doctorants? Ce qui est bien, c'est que j'en ai plein. En fait, j'ai vraiment autant des retours de personnes qui disent « Ah bah tiens, voilà, je m'étais jamais intéressée au Moyen-Âge et fait, finalement, je me rends compte avec vous que c'est autre chose. » J'ai des personnes, et ça c'est peut-être le plus émouvant, qui me disent « Bah ça a toujours été le regret de ma vie de ne pas avoir fait d'histoire, d'études d'histoire, et donc avec votre podcast, je recouvre un peu ça. » J'ai des gens qui disent « Ah bah j'écoute votre podcast avec mes enfants dans la voiture. » J'ai vraiment de tout. J'ai eu un témoignage, mais bouleversant, d'une femme qui m'a dit « Bah voilà, je suis aide-soignante. » Et j'ai fait écouter votre podcast à une femme qui est aveugle depuis 6 mois, qui est en dépression. Et en fait, pour la première fois, je l'ai vue sourire. Et quand j'ai reçu ce témoignage, mais... je me dis « Ok, voilà. » Bah j'ai fait le meilleur, voilà, d'aider quelqu'un à aller mieux, et en plus voilà de diffuser le Moyen-Âge un peu partout. Effectivement, j'ai des retours vraiment, et quand je fais des lives ou quand je fais des événements en public, je vois vraiment qu'il y a de tout dans la salle, de tous les âges, de tout peut-être milieux sociaux, parce que effectivement on a tous étudié le Moyen-Âge à l'école, on s'en souvient pas très bien parce que c'était c'est dans les petites classes, donc on a une image un peu lointaine par rapport à la Seconde Guerre qu'on a encore bien en tête, mais c'est toujours quelque chose qui touche les gens au cœur. On l'a tous quelque part dans notre tête. On l'a quelque part dans notre tête, on l'a quelque part aussi dans notre vie, dans notre environnement. Pauline Guéna, dans Actuel Moyen-Âge, vous êtes intéressée notamment aux licornes. Oui. Les licornes, c'est un animal extrêmement contemporain. En vérité, la licorne, on voit des licornes partout aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand vous l'étudiez avec votre regard de chercheuse, vous voyez une licorne un peu différente. Et elle est intéressante parce que la licorne du Moyen-Âge parle à la licorne d'aujourd'hui. Oui, en effet, vous l'introduisez bien avec le terme d'environnement. On a fait toute une section où on essaye de parler un peu d'histoire environnementale, ce qui devient totalement légitime et reconnu hein, maintenant dans le champ historiographique français. Et donc dans cet article sur la licorne, on essaye de montrer pourquoi la licorne devient un animal extrêmement magique, extrêmement recherché au XVIe siècle. En fait, c'est justement parce que les routes maritimes et commerciales par lesquelles arrivaient les cornes de Nerval, qui sont en fait de grandes dents hein, de Nerval, qui arrivaient du Groenland, exactement, ouais. Un animal marin, sont en train de se rompre au XIVe, XVe siècle, parce que la température change, hein, il fait plus froid au XIVe, XVe siècle, donc les Scandinaves qui assuraient ce commerce vont moins chercher du morse, donc ils ramènent moins de cornes de Nerval. Et donc les cornes coûtent plus cher et on insiste sur le mythe de la licorne. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, Fanny, tu as fait des podcasts sur différents types de monstres et en même temps relier tout cet imaginaire à des conditions qui sont pleinement matérielles, environnementales. Je trouve ça fascinant. Ah, et c'est effectivement fascinant. Hein. Dans l'actuel Moyen-Âge, on passe comme ça d'un sujet à un autre et vous les avez regroupés par thème. Donc, faut rappeler vite fait ce qu'est ce projet actuel Moyen-Âge. Ce sont une bande de galurons médiévistes qui s'est dit, mais il faut parler du Moyen-Âge autrement. Ah, j'aime beaucoup le terme de bande, en effet. Hein. C'est une sorte de compagnie, de groupe. On a commencé à 4. Maintenant, on est 6 ou 7. On a des nouveaux membres qui arrivent. On était tous doctorants, mais maintenant, il y a un certain nombre qui sont docteurs, voire après. Et vous, bientôt. Et oui, voilà. On croise les doigts quand ce sera fait. Et l'idée, c'était ça. On va prendre sur notre temps libre, c'est un travail bénévole, mais on adore écrire, on adore raconter des histoires. Et donc, plutôt que de se les raconter entre nous, eh ben, on va les raconter à des gens. Et c'était parti pour être un petit blog, en fait, à l'origine en 2016. Maintenant, ça a atteint une certaine notoriété, même dans le champ scientifique, parce que maintenant, on publie aussi sur Libé, on a des partenariats avec le musée de Cluny, qui est le musée du Moyen-Âge à Paris. Donc, c'est vraiment un bonheur, en fait, de faire ça. Et ça reste un bonheur parce que bon, je pense que même en franchissant ce cap, ça reste simple et fluide. Et on peut faire des blagues et elles peuvent être potaches. Et ce n'est pas un problème en fait, parce que c'est un blog. Donc la forme le permet. Voilà, il faut différencier la forme et le fond. Le fond est en béton armé, la forme est plus légère. Hugo Bimard. Et c'est également le compte Twitter avec des threads, comme on dit. Je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Qui est animé beaucoup par des Florian threads. Besson, donc il le tient principalement. D'accord, en ce moment. C'est plus Florian qui s'occupe de Twitter. Actuellement, oui. D'accord. Oui. En tout cas, voilà, un compte Twitter à suivre qui fait écho au blog avec. Très réactif. Des traits passionnants. Oui, parce que quand on dit que le Moyen-Âge est partout, le Moyen-Âge est sur les réseaux sociaux, on l'oublie souvent, mais le Moyen-Âge est essentiel. Hugo Bimard, justement, dans vos vidéos, vous travaillez pour Confession d'Histoire à partir d'ouvrages pointus. En fait, il y a un travail de simplification, de narration, de dire la même chose un peu différemment. Oui, enfin, je crois que c'est surtout la contextualisation dont vous parliez qui permet de s'ouvrir au grand public. Après, j'essaye de simplifier les données, le propos, mais sans en perdre la substantifique moelle, sans en perdre quelque chose qui serait vraiment intéressant. Je pense notamment sur Cléopâtre, Marc-Antoine, etc. Il y avait tout un contexte aussi religieux d'identification à des divinités. C'est quelque chose que je ne voulais pas perdre. Je ne voulais pas ramener ça à une histoire purement politique. Je voulais garder cette dimension comme ça un petit peu mythologique que ces personnages traînent avec eux. Et par exemple, pour le médiéval, c'est vachement les histoires de famille qui sont très complexes et qu'on voit bien d'ailleurs dans les films ou dans les séries, ils ont tendance à évacuer les personnages, à simplifier énormément ces familles tentaculaires avec des ramifications, que le comte de Toulouse puisse être en fait relié au Plantagenet. Mais ça participe de la compréhension de l'époque aussi, de tenir compte de ça. Et c'est essentiel justement d'essayer alors de simplifier sans trahir. Et au-delà des considérations liées aux grandes familles ou à la politique, il y a aussi tout un aspect qui est lié au quotidien, à la manière de vivre. Et ça, c'est quelque chose que les historiens travaillent. Et dans Actuel Moyen-Âge, il y a une vraie attention portée à ça, au quotidien et à l'intérêt que les gens peuvent avoir sur comment vivaient nos ancêtres. Oui, et ça, donc on a fait toute une section dessus dans le livre. C'était déjà dans le livre précédent de 2017. Là, on a toute une section qui s'appelle « Au jour le jour ». Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte progressivement, parce que les médiévistes travaillent beaucoup, et c'était le cas de beaucoup de membres d'Actuel Moyen-Âge, sur le pouvoir ou l'histoire intellectuelle. Et en fait, il y avait beaucoup de questions qui arrivaient, mais comment les gens s'habillaient, mais comment mangeaient-ils, etc., etc. Et même notre éditeur, Johan Vincentini, nous a poussé dans cette direction, et on a découvert cet intérêt vraiment du public pour ces questions vraiment techniques, vraiment matérielles.

pour tenter de donner un peu de chair à ses récits et surtout à ses rencontres, parce qu'il est tout évidemment systématiquement question de rencontres et pas seulement de guerre ou d'art de faire la guerre ou d'histoire d'espionnage ou de losers magnifiques à l'autre bout du monde. Voilà, parce que nous avons beaucoup parlé de la manière de faire passer l'histoire avec un récit historique, mais il y a aussi toute la fiction qui est essentielle pour faire passer l'histoire. Et vous, Pauline Guénat, quand vous regardez un petit peu ce qui est produit, je pense que vous êtes très tolérante parce que c'est toujours bien de faire parler de ces sujets. Vous n'avez pas de temps en temps des petites colères qui montent sur un Moyen-Âge qui est vraiment malmené? C'est l'instant Bern. Oui, c'est l'instant Bern. Non, récemment, c'est vrai que, et c'est monté en aiguille aussi parce que Twitter s'y prête. Mais récemment, un documentaire sur l'histoire de l'éducation de Stéphane Bern appelait à certaines corrections ou certaines reprises sur l'histoire de l'éducation au Moyen-Âge, où on voulait beaucoup plus parler des écoles cathédrales, du développement des universités, montrer que les femmes étaient déjà éduquées dans une certaine mesure. Et en fait, plus qu'une colère, c'est une incompréhension sur le fait que beaucoup de savoirs existent, ils sont présents à l'université. Et en fait, dès qu'on les sollicite, les universitaires sont très très heureux de prendre la parole. Et donc on se demande pourquoi, parce que ça coûte beaucoup d'argent en fait ces productions, on n'utilise pas en fait ce savoir qui est disponible. Et on continue à présenter parfois des savoirs des années 70 comme quelque chose de novateur. Les années 70, c'est un demi-siècle maintenant. Donc il faut enclencher la vitesse supérieure. Le pauvre Stéphane Bern n'y est pas pour Hugo Bimard. Il est pas pour grand chose dans toutes les bêtises qui peuvent être dites dans cette émission. Moi, pour travailler en ce moment sur un projet avec quelqu'un qui était justement appelé en tant que conseiller historique sur l'émission, je crois que voilà, Stéphane Bern a validé un script sans se poser plus de questions. Et derrière, il y a une équipe technique, un réalisateur qui avait en tête quelque chose. Il voulait des enfants avec les dents sales, qui travaillaient à l'âge de 6 ans, etc. Tu entendras que c'est vraiment le système dont j'ai parlé tout plus qu'une personne, parce qu'évidemment c'est un nom, c'est une marque, c'est ça, Stéphane Bern. Mais c'est ses collaborateurs qui... Voilà, et je pense que les universitaires sont prêts et qu'il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Mais la personne dont je parlais, qui est donc un universitaire qui avait été appelé sur le tournage, personne n'a tenu compte de ce qu'il disait. Oui, c'est la limite de la chose, et c'est vrai que il faut demander aux diffuseurs de chaînes de produire des choses qui font appel à des universitaires, et Stéphane Bern s'est jamais dit historien. Donc voilà, au moins on peut dire que les équipes autour ont du boulot à faire, mais ils savent où appeler. Vous avez tout à fait raison de le souligner, Pauline Guénat, il y a une chose qu'on appelle l'université en France. Alors, on a bien compris qu'il y a Actuel Moyen-Âge, le livre et le blog, il y a les podcasts, vos podcasts, Fanny Cohen-Moreau, il y a vos vidéos, les confessions d'histoire d'Hugo Bimard, et nous retrouvons demain pour le cours de l'histoire qui continue à s'intéresser au Moyen-Âge dans cette émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès et Camille André. Demain, nous irons voir un Moyen-Âge oublié, le Moyen-Âge de l'islam.